Good morning, amiga! Woohoo! Ça fait un an et demi, je crois, qu'il n'y a pas eu de podcast. Et là, je suis avec Arnaud. Arnaud sur les forums. Salut Arnaud. Bonjour tout le monde. Si vous avez de bonnes oreilles, vous entendez Hey Sarès et un autre Arnaud. Non, c'est pas Arnaud, c'est Cyril, qui est dans la piscine. Effectivement, ils font pas de bruit, sinon c'est pas drôle. Donc, on profite d'un petit samedi. Ah bah voilà les enfants, comme ça vous allez avoir vous avez droit à l'image et au son presque. Hein. Voilà, dites bonjour les garçons. Salut. Bonjour. Donc, ils mangent les chips. Donc, je disais, c'est un week-end, enfin non, un samedi Amiga. Donc c'est sympa. Donc Arnaud, très sympa. Voilà, c'est ton premier. Alors j'ai le chien. Alors, normalement le micro est plutôt bien fait, on l'entendra peut-être pas beaucoup, mais bon il y a le chien Cabo aussi. Donc Arnaud, c'est ta première fois ici. Première fois. Voilà. Oui, tout à fait. Bah, ma deuxième fois chez Arès. Ah oui. Ah t'es déjà venu chez Arès. Ouais, au mois d'octobre, s'était déjà vu. Ah oui. Suite au barbecue. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Bon ben bah, voilà. Voilà, parce que du coup, alors je sais pas si vous faites ça chez vous, mais nous, on a essayé de mettre en place les petits trucs. Voilà, on essaie de se voir une fois par trimestre, une fois par semestre, on va dire plutôt. Puis voilà, donc on a fait un barbecue chez WAM où il n'y avait pas de machine. Et puis chez Arès, ben, on emmène le matos et puis on s'installe et puis voilà, on geek. Donc là, Arnaud, ben, c'est la première fois que tu es au micro du podcast. Hein, donc tu peux nous présenter, enfin te présenter, surtout te présenter ta... ton histoire Amiga, comment t'es arrivé à l'Amiga, et puis pourquoi t'es toujours là en fait ? Eh ben, tout a commencé sur Atari ST. Mon père m'a offert un Atari ST, et au bout d'un moment, je me suis dit, non mais j'ai vu un pote avec un Amiga, je me suis dit, c'est ça que je voulais quoi. Donc du coup, j'ai revendu l'Atari, je suis passé sur Amiga, et ben, donc j'ai eu un des premiers Amiga, je pense, c'était des ROM 1.2 sur un 500. Ah oui. Donc c'est du vieux de la vieille, ouais. Et puis, je suis resté sur 500 jusqu'en 93, 94. Après, je suis passé sur 1200 jusqu'en 98 à peu près. Entre-temps, ouais, j'avais eu un 30 à 50. Il était bien... Ouais, il tournait bien, mon 1200. Après, j'ai un peu lâché l'Amiga. Et puis, quand t'as repris le podcast, en fait, ben, ça m'a rinsufflé... l'envie de repartir sur Amiga, donc j'ai racheté un 1200 en fait d'un collègue qui vendait comme ça, et je suis reparti dedans, j'ai récupéré mon 30 à 50, après je me suis remis un peu, donc j'ai essayé de rattraper un peu, j'ai un peu ramé au début, parce que c'est vrai qu'en 20 ans j'avais un peu perdu... le Warbench, tout ça. Ouais, puis, mais bon, ça revient, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, ça revient rapidement. Et puis, ben là, voilà, je vous vois avec, avec des bécanes à base de pie, qu'on voit la poudre et tout, et avec le Wi-Fi, ben, ça m'a bien donné envie. Ouais. Donc, je pense que je vais pas tarder à passer sur une machine, parce que bon, l'émulation, c'est bien gentil, mais comme tu as vu... Là, je tournais à un moment avec j'avais bidouillé un vieux Mac... un iMac sous Pymiga, mais ça reste de l'émulation, quoi. Oui. Ça vaut pas ça la rend vraie pas machine. Tout, ouais. Donc là, vous m'avez bien donné envie. Bon, bah, c'est une bonne chose. Carrément. Bon, après, l'avantage du Pistorm, c'est que c'est pas très cher, quoi. C'est aussi l'avantage. C'est avantageux, ouais. Tu t'investis pas des 1000 et des 100 et t'as quelque chose qui. Quand on voit la poudre. Comme ouais, tu dis. C'est vraiment pratique, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, même au niveau des transferts via une micro SD, l'accessibilité au Wi-Fi, le HDMI, les résolutions qui vont bien. Et, tout. Et puis là, en plus, prochainement, alors je sais pas quand ça va sortir, mais le développeur de la carte, Pistorm, il planche depuis un moment sur le. Alors attends, ça doit être le Frame Thrower. C'est le lance-flamme mais de frame en fait, qui permet justement de récupérer l'AGA et de le balancer dans l'entrée TV, parce qu'il y aura une entrée dans le PI, donc justement pour récupérer l'AGA et le faire ressortir par l'HDMI. Donc les essais qu'il avait fait dernièrement étaient concluants, mais c'est vrai qu'on ne sort pas trop. Oui, on n'a plus de nouvelles depuis un moment quoi, de ce développement. Mais là c'est marrant, je l'ai revu sur les réseaux sociaux, il a refait une carte... justement qui récupère le RGB, qui rebalance en HDMI mais sans pile là. Donc du coup je sais pas, il repart peut-être sur une autre idée, j'en sais rien. Enfin, bref. Enfin, Il est très talentueux et il part dans tous les sens, mais mais voilà, on a quand même de beaux résultats. D'accord, donc du coup, et donc du coup, c'est le podcast d'Amiga Impact qui t'a relancé dans la... Ah ouais, complètement, ouais, tu m'as redonné l'envie de me replonger dedans, quoi, en fait. Mais ça devait me manquer, tu vois, puis ouais, il manquait pas grand ça chose, a été quoi. Le coup de pouce qui, ouais. qui a fait que... Ouais, d'accord. Et bah, je regrette pas, quoi. Et du coup, merci à toi. Ah bah, tout le plaisir pour moi, c'est ce qu'elle a dit. Et du coup, c'est ton Amiga, toi, tu fais quoi en particulier? Bon, du jeu Ouais, du gaming, après, je bidouille un peu, Alors, j'ai fait un peu du ProTracker il y a longtemps. Ah oui. Et puis, ben là, j'essaie d'analyser un peu ce qui se fait maintenant, voir un peu les effets des mecs, ce qu'ils font, ripper un peu des sons. Enfin, maintenant, j'ai plus qu'à sauvegarder, quoi. Sur le 500, je ripais avec une action replay, mais là, maintenant, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple. Puis sinon, je teste un petit peu ce qui sort. Je regarde un petit peu, je vois les évolutions du Warbench. Après, je te dis, je tourne qu'avec mon 30 à 50. Et bah, en fait, il y a plein de trucs qui tournent vraiment bien. Ah oui, des petites interfaces qui simplifient la vie. Mais là, t'étais tout à l'heure, là, tu testais. Ou alors, tu voulais tester, je ne sais pas si tu l'as fait, GoVD. Ouais, GoVD. Et bah, je pense que ouais, je vais... Là, sur les semaines à venir, je vais le mettre un peu à l'essai. Là, ça a l'air vraiment bien pratique comme truc. Tu peux te faire plusieurs écrans Warbench avec, bah, on va dire, par exemple, tu as un AD Pro avec tout ce qui est graphique sur un premier écran. Tu as, imaginons, je sais pas, sur un deuxième écran, bah, tu as tes fichiers rangés à droite à gauche. Ouais. Troisième écran, tu peux avoir... Après, j'ai pas testé un ProTracker, mais j'imagine qu'il le faut en mode fenêtré. Ouais, c'est possible. Donc voilà quoi. Mais c'est cool. Ça a l'air bien prometteur comme truc. Bon. Et donc, si j'ai bien compris, je t'emmène à la micro-alchimie, ça va être ta première. Toute première fois aussi, oui. Ouais. Première fois dans la Batmobile et puis la première fois dans la micro-alchimie. Ben, tu vas voir, c'est sympa. Et les gens sont très gentils là-bas. Faut le dire avant parce que sinon après ils sont méchants. Voilà. Bah écoute, bah merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Mais merci à avec toi, tous Batman. Nos auditeurs qui vont être surpris d'avoir quelque chose dans leur flux de podcast qui va arriver. Enfin, je sais pas quand, on va pas trop se mouiller. Mais... je suis en vacances bientôt, donc d'ici fin juillet, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Wahoo. Merci beaucoup. Bon, si vous les avez pas entendus tout à l'heure, ils sont toujours dans la piscine. Hein. Donc là, il disait le Falcon. Il a un OS de merde. Voilà, je sais pas si vous entendez bien. Apparemment, si, parce que je vois que le vue-mètre, il monte bien. Alors, messieurs, comment se passe votre week-end? C'est bien. Ça, c'est Ace. On est très bien. Salut à tous. C'est Arès. Comment ça va? Donc, ça résonne. Ouais, ça résonne. Et il y a Cyril au fond là qui a initié mon fils au OC et qui a fait une démo avec un cube et de la musique qui boot sur une disquette. On a fait tourner un cube en 3D, c'est rigolo. Il a inspiré Antoine, oui. C'est son sensei. Voilà. Alors messieurs, et quoi de neuf sur Amiga? Je m'installe à côté de la piscine, ça va être sympa comme podcast. Écoute, là, on était en train de refaire la commercialisation de l'Amiga 200. 1200. Ouais. On disait qu'il aurait dû y avoir un peu de fast ram à l'origine. Minimum le fast ram, ouais. Avec le disque dur d'office. C'est sûr qu'à 1002, avec de la fast ram et un disque dur, ça changeait un peu la vie. Déjà, rien que la fast ram, t'en mets un peu, ça accélère au moins par deux fois le CPU. Enfin, la vitesse de la machine, donc... C'est beaucoup mieux, hein. Déjà pour le Warbench, ne serait-ce que ça, puis les applications, hein. Pour la 3D également, ouais. Ouais, la 3D. Et là, avec ça, Carmack, il aurait fait Doom sur Amiga. On était en train de se demander si Falcon avait un disque dur d'office à sa commercialisation. Ils avaient 1000 DSP, ils avaient un 6830, ils avaient 4 mégas de RAM. Oh, l'OS était... Mais de merde, l'OS n'a pas été terminé. Ils le retravaillaient, mais ils l'ont commercialisé rapidement, ils n'ont pas eu le temps de finaliser le nouveau TOS. Voilà, donc je sais qu'il y a des Ataristes qui nous écoutent, donc ils auront peut-être la réponse. Est-ce que le Falcon avait un disque dur d'office? Je suis pas sûr. Je vérifie en même temps, comme ça... Comme ça, on pourra répondre en direct live avec un 3 mois de différé quand le podcast sera en ligne, mais c'est pas grave. Avec un système de base, il aurait été intéressant. Alors là, on va noyer Ace qui dit que le Falcon aurait pu être sympa. Très, très, avec le DSP pour bon, la... Bouge pas, là, c'était sympa. Allez. Sur le papier. Sur le papier, ça aurait pu être bien, ouais, sur le papier. Alors, attendez, je suis sur la fiche, Wikipédia, qui dit que le Falcon est un ordinateur personnel, oui, doté d'un processeur 6030 et d'une DSP, jusque-là, d'un DSP, pardon. Il est, oui, le système s'appelle The Operating System, ouais, c'est très original. Est-ce qu'il y a un disque dur? Non, apparemment... Si, ça devait être le système d'or. C'est original. Ouais, aspect technique, nanana, nanana. 32 bits, 24 bits, 6030, microprocesseur DSP, autre innovation... Le Videl. Ah oui, d'accord. Ils ont sorti en bêta, en gros, parce que... L'autre nouveauté chez Atari, c'est l'adoption de l'IDE, en plus du SCSI, pour la gestion des disques durs. Cela a permis de connecter des disques bon marché, donc de connecter, donc c'est qu'il ne devait pas y en avoir d'office. Il n'était pas d'office. Hein. Voilà. Pas d'office. Ah, donc en fait, ce qu'on disait, c'était nul. Il y a le même problème que sur 1200. Ok. Mais c'est vrai que le disque dur, ça a changé la vie. Ça, avec de la fast RAM. Sinon, messieurs, vous avez fait quoi de votre samedi? Alors, Arès, on va commencer par toi, parce que toi, le plus près, ça m'évite de tendre trop loin le bras. Oh, écoute, on s'est relancé sur des vieux jeux. Je leur ai fait découvrir Evil's Doom, un jeu RPG qui était prévu de sortir en 96 sur Amiga Disquette, en AGA, qui a été reporté pour sortir en format CD, qui a été annulé et qui est ressorti en 2010, en format disquette. Que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Très, très joli. Très bien réalisé, il n'y a pas à dire. Et puis très intéressant, hein, une petite partie un peu point and click, gestion. Et après, on bascule sur du dungeon crawler pour l'exploration des donjons. Et toi, Ace, qu'as-tu fait de ton samedi? J'ai mangé des saucisses. C'est très Amiga, c'est des saucisses Amiga. Non, des saucisses d'Atari, c'est ça qu'on mange nous. Nous, on mange des saucisses d'Atari. J'ai mis à jour mon PowerBook en Morphos 3.19. J'ai réinstallé une nouvelle version de Wayfarer, j'ai bidouillé sur un G5 avec mon ami et on a installé pas mal de trucs dessus. Puis voilà. C'est vrai que Cyril a découvert, du coup il avait un iMac tout frais, et il a découvert Easy to Install. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, j'ai découvert Easy to Install, c'est vrai que c'est vraiment pratique, on clique, hop, ça installe, et puis après on n'a plus qu'à utiliser. Parfait. Bon, il a la limitation de 30 minutes pour l'instant, mais du coup il a installé plein de trucs. Hein. Oui, il a installé des trucs et il a installé mes portages. Ouais. Les portages de Ace. Ça marchait pas, mais c'était un problème dû à la port SDL. Apparemment, il faut déjà installer l'ancienne version pour après mettre à jour. Et c'était pas très clair dans le. Voilà, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je suis arrivé avec un 1200 Pistorm qui démarrait plus. Donc j'ai jamais su pourquoi, parce qu'en fait c'est la carte SD qui était pas reconnue, mais qui finalement, en la montant sur MorphOS et en la remettant dans le Pistorm, elle fonctionne. Donc on va faire une sauvegarde, un backup, hein, parce que je pense que la SD va pas durer très longtemps. Et ensuite, le deuxième défi que je m'étais mis, c'était de paramétrer SimpleMail sur ma CD32 pour pouvoir accéder à ma adresse free. Ça marche presque, il manque plus grand chose, mais en fait il se connecte pas en TTLS, donc je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'était mon week-end, c'était mon samedi, ce qui est pas mal quand même. On a fait un module avec ProTracker Clone pour voir. Ah oui, retesté sur 1002. Et en fait on l'a remis sur un Amiga classique et ça fonctionne en fait. Voilà. C'est un ProTracker. C'est un ProTracker open source, je pense, sous MorphOS. Et du coup, c'est vraiment l'interface ProTracker 100%, et puis ça sort vraiment du module ProTracker. Compatible Amiga, du coup. Ouais. On l'a lancé avec HypoPlayer, effectivement. Ouais. Je mets une musique. Je mets votre fameux module à la fin. Il dure 10 secondes. Même pas. Et je peux le mettre en boucle. Non, c'est là, on mettre le module qu'on a mis sur la démo. Ah oui, bah c'est ça. Je vous mettrai. Parce que du coup, c'est un. C'est un module que tu avais fait, c'est ça, Arnaud? Ouh là là, oui. Sur la démo faite par mon fils et Cyril. Ouais. En fait, c'est un module que j'avais fait il y a 30 ans. On était un peu anti-techno, on n'aimait pas trop ça. Et du coup, on voulait se moquer un petit peu de la techno. Donc j'avais fait un petit truc parodier. On s'était enregistré entre potes à faire des petits samples. Et puis... j'avais fait une base de musique techno absolument affreuse et mis quelques samples à droite à gauche comme ça. D'accord. Je suis pas sûr que ça plaise à grand monde, mais bon. Bon, on verra bien. Tu peux tenter. Ça, il faut toujours une musique de fin, donc. Alors, je gérerai parce qu'elle est sur la disquette. Il faut que je la récupérer, que je la reconvertisse en MP3. C'est la disquette jaune. C'est la disquette jaune. Disquette jaune. C'est mon fils qui a choisi la disquette jaune. Il a le cerveau qui a fumé en essayant de faire la démo. D'ailleurs, je vais aller le soumettre à la question aussi un petit peu avant de, pour terminer le podcast, ça sera rigolo. Voilà. Ses premières heures de développement, tu on sait, sur Morpho. Ouais, sur... A même le pros. Ouais, non, parce qu'il a développé. L'interface, la graphic library, et puis intuition et tout ça, quoi. Donc, non, c'est pas même le pros, c'est même le système. Voilà. La classe. Et bien, finalement, je suis avec mon fils. Robin, parce que c'est son pseudo, qui a mis les mains sur un Amiga 1200 pendant quelques heures avec Cyril et il a fait du C. C plus, non, du C. Voilà, donc dis-nous ce que t'en as pensé. C'était très sympa, d'ailleurs merci à Cyril pour ça, heureusement qu'il est venu m'aider, c'est très gentil de sa part. Et la démo fonctionne. Donc tu peux nous dire en quoi consiste ce qui a été fait en fait. Cette démo consiste en un cube en 3D isométrique qui tourne, avec la musique de Arnaud qui est venu se rajouter dessus. Voilà. Et qui se boot depuis une disquette. Voilà. Donc une disquette autobootable qui lance cette petite démo compilée en C. Ben merci, c'était à Cyril, c'est très gentil de sa part. Alors, c'était quoi le plus difficile? Les coordonnées des points et des traits, surtout. Pour les retrouver, c'est ça? Oui. C'est tout du calcul trigonométrique. En fait. Exactement. Et c'est des trucs que t'as pas vu au lycée? Non. Voilà, donc c'est forcément c'est plus compliqué. Voilà. Donc du coup, ça te motive à continuer? Oui. On a un futur démo maker devant nous, je crois. C'est peut-être probable. Il va falloir que tu trouves des membres pour faire ton groupe, alors. C'est possible. S'il vous faut un musicien, un graphiste. C'est possible. Un codeur. C'est possible. Ah, tu te mets dans aucun des trois, toi. C'est possible. Tu feras comme moi, tu feras la tête pensante. Ouais, c'est bien ce que vous faites, les gars. C'est ce que je faisais, moi. Ouais, c'est bien, c'est bien. J'ai quand même fait une pistache en 3D un jour. Voilà. Et puis, des wilds, en fait. Moi, je faisais les wilds. Du coup, il va falloir qu'on t'achète un Amiga, alors. Exactement. Alors, tu vas marcher sous Wigne au début, hein, ça va aller bien. Mais merci, Antoine, Robin. En plus, tu seras dans le podcast. Merci. Dis au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Et bien, c'était le podcast en direct de chez Arès. Un podcast un samedi par grande chaleur et avec beaucoup d'Amiga. Alors, normalement, quand je termine le podcast, je dis un truc. Donc, de mémoire, c'était... je ne sais plus. Et... Ouais, je sais plus. Sortez couvert et que l'Amiga soit avec vous. Que l'Amiga soit avec vous et voilà. Avec l'Atari. Si on finit là-dessus, ça va être horrible. Tu fais des coupes, hein. Ouais, peut-être. Allez, au revoir. mais vous êtes fous. Et salut à Noël. La démo est Zwicka. Mais à Zwicka. Et salut à Noël. La beuille. La beuille. La démo Zwicka, c'est la démo la plus ablon.